Le séminaire national pour la Journée internationale de la biodiversité s'est tenu le 18 à Pyongyang au Palais de la Culture du Peuple. Y ont pris part les fonctionnaires du ministère de la Protection du Territoire National et de l'Environnement, du Comité central de la Fédération de la Protection de la Nature de Corée, ainsi que d'autres ministères, établissements centraux, instituts scientifiques et du secteur intéressé, les écologistes, les officiels de l'Union mondiale de la conservation, de la Fondation allemande Hans Seidel et de la représentation du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'ambassadeur syrien et un diplomate allemand en Corée. Il y a eu les interventions sur des questions théoriques et pratiques posées de façon urgente pour protéger activement et augmenter la biodiversité liée à l'existence de l'humanité. Les participants ont vu les photos sur la fonction et l'usage du marécage et vu le vidéo sur la biodiversité.